Je dirais pas un raz-de-marée, mais des vagues un peu au conseil de ville de mardi dernier où la mairesse, entre autres, a rappelé aux citoyens qu'elle s'opposait à l'avenue d'un autre centre de transbordement. Est-ce que ça vous préoccupe? Ben, encore une fois, comme je vous dis, on va laisser le projet, on va présenter le projet à la ville, on verra quelle sera la réaction officielle des autorités à ce moment-là. Mais vous êtes prêt à aller de l'avant? Ah ben c'est sûr que nous, encore une fois, avec l'autorisation qu'on a eue du ministère de l'Environnement, c'est un projet qui, on pense, est bénéfique pour la région, donc on est prêt à aller de l'avant. Maintenant, on n'ira pas de l'avant tant qu'on n'aura pas l'ensemble des autorisations nécessaires, c'est bien évident. Avez-vous un objectif financier, je ne sais pas, pour pouvoir aller de l'avant officiellement avec peut-être des travaux de construction qui soient dans X nombre de semaines, un délai dans le temps, un objectif de réalisation? Ben, encore une fois, ce qu'on espère, c'est le plus tôt possible en fonction des objectifs de tout le monde, c'est-à-dire et de la ville de Longueuil et de nos objectifs, bien sûr, opérationnels. Mais non, on ne s'est pas donné d'objectif, on veut être ouvert à telle date. Encore une fois, on va suivre les étapes au fur et à mesure qu'elles vont se présenter. Vous savez, le certificat d'autorisation, encore une fois, ce n'est pas une fin en soi, c'est une des étapes menant à un projet. Et ce certificat d'autorisation ne vous donne pas nécessairement un délai prescrit non plus? Non. Comme tous les autres certificats d'autorisation, c'est une autorisation de faire un projet. Et bien sûr, ça ne nous dispense aucunement d'avoir les autres autorisations nécessaires, dont celle de la municipalité de la ville. Monsieur Beaudoin, en terminant, en matière de respect environnemental, je présume quand le CA a été mis, c'est parce que vous avez rencontré toutes les exigences environnementales pour éviter justement toute contamination, qu'elle soit visuelle ou pour le sol environnemental? Le mandat du ministère de l'Environnement dans l'émission d'un certificat d'autorisation, c'est exactement celui-là, à savoir de s'assurer qu'il n'y a pas d'émissions au niveau de l'air, de l'eau et des sols. Alors, c'est effectivement une conformité à la réglementation provinciale que le projet a obtenu en ce qui a trait aux émissions air au sol. Et le lieu physique où serait construit le centre si vous obtenez également les autorisations de la ville? Ah, ben c'est toujours au même endroit sur le chemin du lac. Mais M. Beaudoin, je vous remercie pour votre disponibilité. Au revoir. Au revoir. Jean Beaudoin, vice-président de RCI Environnement. C'est à suivre comme dossier cette semaine aux citoyens ont raison. On va revenir là-dessus. Et pardonnez-moi la qualité sonore du micro d'Henri-Paul Raymond. Comme on dit dans le métier, ça sonne le... Vous avez un commentaire sur le sujet du jour? Contactez Louis-Philippe Guy par courriel. lpguy@fm133.ca. On va comme tout problème informatique et technique y remédier dans les plus brefs délais. Maintenant, je termine l'émission par un bonbon, par un dessert, et je suis très content d'ailleurs on ait pu arranger les détails de l'entrevue. Je départ à la fin de l'émission, c'est normal, parce que les Patriots de Longueuil, peut-être que vous connaissez les Patriots de la Nouvelle-Angleterre au football, ben en tout cas ce que les Français appellent football, le soccer ici sur la rive sud de Montréal, les Patriots, c'est pour une équipe de soccer des moins de 12 ans, si j'ai compris. Tout à fait. On a un père ici qui s'appelle Patrick. Blart, je dis Blart ou Blart? Blart. Blart? Blart, bon, oui. Blart, voilà. Il y a plusieurs façons de le dire, anglais, français, espagnol. Blart, parlant d'espagnol, vos jeunes vont aller en Espagne. Les jeunes de Longueuil qui jouent au soccer vont nous représenter en Espagne dans un tournoi méditerranéen. Exactement, international. Merci d'abord de nous accorder du temps d'antenne, Louis-Philippe. Quand vous voulez. Hein, je veux qu'on vous devienne votre radio officielle. Ah, c'est déjà fait. Excellent. C'est déjà fait. Cool. Ah, merci. Alors voilà, l'année passée, nous sommes allés en avril 2000, de cette année, en avril 2010, à Lloret de Mar, en Espagne. Ça, c'est à 1h30 au nord-est de Barcelone. Pour ceux et celles qui connaissent le coin, là. C'est un beau coin méditerranéen, wow, le long de la plage. Alors, nous avons participé à cette époque-là à un tournoi de calibre international parce qu'à chaque année, le club de soccer de Longueuil a pour mission d'amener un club, une équipe de son club à l'extérieur pour pouvoir se mesurer aux autres joueurs de leur catégorie d'âge. Alors, l'année dernière, nous sommes allés à Barcelone pour la première année. Et on s'est rendu compte là-bas que c'était une formidable pépinière